Ils allumèrent leur petite lampe, et quand le logis fut éclairé, ils virent bientôt que quelqu'un avait passé par là, car tout n'était plus dans le même ordre où ils l'avaient laissé. Le premier dit « Qui s'est assis sur ma chaise ?» Le second « Qui a mangé dans mon assiette ?» Le troisième « Qui a pris de mon pain ?» Le quatrième « Qui a touché à mes légumes ?» Le cinquième « Qui a piqué avec ma fourchette ?» Le sixième « Qui a coupé avec mon couteau ?» Et le septième « Qui a bu dans mon gobelet ?» Puis le premier se retourna et il vit que son lit était un peu affaissé. « Qui s'est couché dans mon lit ?» dit-il. Et les autres d'accoururent et dirent « Dans le mien aussi, il y a eu quelqu'un !» Mais le septième, en regardant son lit, aperçut Blanche-Neige qui y était couchée et dormait. Il appela ses frères, qui se hâtèrent de venir et se récrièrent d'étonnement. Et chacun fut chercher sa lampe pour mieux contempler Blanche-Neige. « Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu !» répétaient les nains. « Que cette enfant est belle !» Ils étaient ravis de l'admirer et se gardèrent bien de l'éveiller. Le septième nain dormit une heure dans le lit de chacun de ses compagnons, jusqu'au point du jour. Le matin, quand Blanche-Neige sortit de son sommeil, elle vit les petits hommes et fut effrayée. Mais ils se montrèrent fort aimables et lui demandèrent son nom. « Je me nomme Blanche-Neige, » dit-elle.